La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans la compagnie des auteurs, nous parlons d'un homme qui incarne presque à lui tout seul l'idée de la littérature. Il s'agit de Gustave Flaubert. Et cette émission vous est proposée par Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travaglichanal, Didier Pinault et Jacques Hubert. Il aurait aimé que sa biographie soit aussi méconnue que celle de Shakespeare ou d'Homère, que l'on en sache aussi peu que possible sur ce qu'il nommait les guenilles, c'est-à-dire la vie quotidienne de l'artiste, laquelle n'avait pour lui aucun intérêt. Inutile de dire que c'est raté à cause notamment de sa correspondance qui nous permet de reconstituer sa vie presque au jour le jour, une vie que nous a racontée hier Pierre-Marc de Biasi dans une émission à retrouver en podcast. Demain, avec Pierre Glaude, professeur à Paris 4, nous reviendrons longuement sur l'éducation sentimentale et en particulier sur ce que ce livre dit du rapport au religieux et à la sentimentalité de Flaubert et de ses contemporains. Enfin jeudi, c'est de Madame Bovary, puis de Bouvard et Pécuchet dont il sera question. Je serai en compagnie d'Yvan Leclerc de l'Université de Rouen. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler notamment de Flaubert et l'histoire, mais également de quelques entrées du dictionnaire Flaubert qu'elle a dirigé et qui a paru il y a quelques mois aux éditions Honoré Champion, je reçois Gisèle Séginger, professeure à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle est également l'auteur de l'essai Flaubert, une éthique de l'art pur, que l'on peut lire aux éditions Minard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Il a été le premier romancier moderne. Enfin, par exemple, quand on parle des romanciers du 19e siècle, on avait l'habitude de dire, bon, Stendhal et Balzac. Maintenant, on ajoute Flaubert. Et on voit qu'en effet, si Flaubert a été un disciple de Balzac dans une certaine mesure, enfin, dans la peinture de la société, je pense à Madame Bovary, les mœurs de province, ou l'éducation sentimentale et les mœurs parisiennes, il a apporté une dimension nouvelle. En ce sens que sur le plan de la technique, sur le plan de la facture, sur le plan de l'écriture aussi, il a voulu faire autre chose que du roman. Ou plutôt, il voulait que le roman soit en somme comparable au poème. Et c'est parce qu'on, comment dire, on a méconnu cette volonté qu'il avait, que le roman était pour Gide et Valérie et Claudel la pire des choses. Enfin, ça ne pouvait pas prendre place dans l'art. L'activité artistique se manifestait par des poèmes ou, comme Gide, par des sotties, etc. Mais pas par des romans. Et parce qu'on n'avait pas vu que Flaubert bâtissait ses romans comme des poèmes. Bonjour Gisèle Séginger. Bonjour. Alors on vient d'entendre Maurice Nadeau qui était interrogé par Alain Clerval en octobre 71. Et c'est vrai qu'on a mis du temps à se rendre compte que les romans de Flaubert étaient en réalité peut-être tout autant des poèmes. C'est ce que dit en tout cas Nadeau. C'est votre avis également ? Oui, c'est également mon avis. Et il faut savoir que tout en rédigeant Madame Bovary, Flaubert réfléchit beaucoup sur la poésie et sur l'avenir de la poésie. Il réfléchit beaucoup en particulier sur la poésie romantique dont il a beaucoup lu pendant sa jeunesse. Et il commence à se démarquer nettement de cette poésie romantique. Il l'apprécie moins à partir du milieu des années 1840, tandis que lui-même va s'orienter de plus en plus vers l'écriture d'une prose poétique. C'est vrai que Flaubert est un écrivain qu'on revisite sans cesse, est un écrivain en mouvement, vous le soulignez d'ailleurs dans la préface de votre dictionnaire. Oui, c'est un écrivain en mouvement qui débute, on peut dire, comme un écrivain romantique dans les années 1830 et au début des années 1840. Flaubert écrit des textes en prose, mais une prose romantique. C'est la période où il lit beaucoup Hugo, qu'il va continuer à apprécier énormément jusqu'à la fin de sa vie. C'est la période aussi où il lit Musset, il lit Lamartine, il lit à la fois la poésie romantique, il lit les Confessions d'un enfant du siècle, il lit beaucoup Chateaubriand également, et il écrit plusieurs textes qui resteront inédits de son vivant et qui sont vraiment des textes romantiques en prose. Et je pense en particulier à Mémoire d'un fou et à Novembre. Mémoire d'un fou en 1838 et Novembre en 1842. Et il dira que ce texte est la dernière œuvre de sa jeunesse. En effet, après 1842, autre chose viendra. Donc ça, c'est le mouvement dans la vie de Flaubert, mais il y a aussi eu du mouvement dans le Flaubert posthume, que ce soit d'ailleurs dans le temps, puisque on l'a vu différemment au fil des décennies qui ont passé jusqu'à nous, puis aussi au-delà des frontières. Oui, alors c'est un Flaubert en effet différent aussi selon les pays. La réception est très différente selon les pays, en Russie, en Pologne ou en Espagne. Et le dictionnaire Flaubert a voulu rendre compte de ces approches nationales différentes. Et c'est pourquoi j'ai recruté des collègues enseignants-chercheurs dans ces différents pays qui étaient en mesure de nous faire une histoire de la réception, qui a beaucoup évolué aussi en Russie, par exemple, et qui suit un petit peu le mouvement politique de la Russie et de l'URSS. C'est-à-dire ? Alors, il y a toute une période qui est la période où s'instaure le communisme, où c'est évidemment un certain Flaubert que l'on apprécie. C'est un Flaubert plutôt, disons, sociologue, observateur de la société, de la bourgeoisie. C'est une forme critique du roman qui est apprécié, un roman critique de la société qui est apprécié. Donc il est très intéressant de voir ces différents points de vue nationaux, de les prendre aussi dans une perspective historique. Et puis il est aussi très intéressant de voir, comme vous le soulignez, en Europe, en France en particulier, que Flaubert n'a pas été lu toujours de la même façon selon les périodes. Et il y a, je dirais, un Flaubert structuraliste en quelque sorte, qui a été très très marquant pendant un certain nombre d'années, qui est le Flaubert lu en particulier par Robe Grillet, dans un texte important pour un nouveau roman. Robe Grillet fait vraiment de Flaubert le devancier du nouveau roman, un romancier architecte, un romancier qui l'oppose à Balzac. Balzac étant le romancier des interprétations, des symboles, et à l'inverse, Flaubert étant le romancier qui architecture parfaitement ses textes. Alors vous parlez de la perspective historique, Gisèle Séjinger. J'aimerais qu'on parle justement un petit peu d'histoire. Le mouvement, ça a été aussi pour Flaubert la traversée d'un siècle précisément assez mouvementé. Il a quand même connu deux révolutions en 1830 et puis surtout en 1848. Un coup d'État, le rétablissement de l'Empire, la guerre de 70, la Commune de Paris, l'instauration de la Troisième République. Donc c'est tout de même un siècle très mouvementé qui ne peut que avoir une influence sur Flaubert, l'homme et puis l'écrivain. Oui, tout à fait. Flaubert a traversé une bonne partie de l'histoire du XIXe siècle. Il est né, il faut le rappeler, en 1821, il meurt en 1880. Alors évidemment, de la Révolution de 1830, il ne peut pas en dire grand-chose. Il était beaucoup trop jeune. Mais par contre, c'est plutôt des souvenirs. Voilà. Mais par contre, dès 1834-1835, il est tout jeune, il a 13 ans, il a 14 ans. Il y a des émeutes à Paris, il y a des émeutes à Lyon, les émeutes de la rue Transnonain à Paris l'ont beaucoup marqué parce que un an après, en 35, il se trouve à Nogent, au moment où les insurgés de la rue Transnonain en particulier, Caussidière et Ladrange, passent à Nohant. Ils ont été jugés. Et on voit le jeune Flaubert, dans un enthousiasme républicain, tenir des propos absolument admiratifs sur ces deux hommes, les sur ces deux de jeunesse, républicains. Alors. Propos de jeunesse. Alors, c'est un jeune Flaubert qui est républicain. Il a été élevé dans un milieu libéral. Son père était un libéral et au Collège Royal de Rouen, de surcroît, il avait plusieurs professeurs qui étaient de tendance plutôt libérale, voire républicaine. Il a été l'élève en particulier de Chéruel, qui est un disciple de Michelet. Donc je dirais qu'il était à bonne école et qu'il a été formé dans un milieu plutôt ouvert aux idées libérales et républicaines. D'où ses déclarations enthousiastes à propos de héros républicains. Et ce Chéruel, disciple de Michelet, va lui inculquer une passion pour l'histoire qu'il gardera toute sa vie. Oui, c'est lui qui lui inculque une passion de l'histoire. Je pense plus particulièrement, évidemment, une passion pour Michelet. Alors, Flaubert ne partagera pas absolument toutes les idées de Michelet. Michelet est un progressiste. Flaubert, progressivement, affirmera des idées plutôt hostiles au progressisme. Flaubert est quelqu'un qui ne croit pas au progrès et qui va devenir en effet conservateur. On n'arrive pas évidemment à dater précisément cette conversion aux idées conservatrices, mais on sent que quelque chose se passe vers le milieu des années 1840 et qu'au moment de la Révolution 1848, c'est achevé. Flaubert est conservateur. Mais en tous les cas, on se rend compte que Flaubert, dont on considère que c'est un écrivain retiré, en fait s'intéresse passionnément, alors pour l'histoire on va le voir, mais aussi pour l'actualité de son temps. Oui, tout à fait, il critiquera beaucoup son époque, une époque trop bourgeoise, qui s'intéresse trop à l'économie et pas suffisamment à la littérature et à la culture. On connaît toutes ces diatribes contre les bourgeois, mais néanmoins, Flaubert, c'est tout son siècle. Et il va rencontrer les personnalités les plus importantes, politiquement, culturellement également. Et il est passionné de politique. On le voit, comme je l'indiquais, dans les années 34-35, c'est le Flaubert républicain. On le voit encore, évidemment, au moment de 48, plutôt conservateur, très critique à l'égard de la politique de manière générale, mais malgré ses critiques, il ne cessera de s'intéresser à la politique et il en parle beaucoup dans sa correspondance et dans ses romans. Je m'occupe en ce moment d'écrire un ouvrage sur la biographie de Flaubert. On dira que pour un homme qui a souhaité engager la littérature jusqu'aux yeux, et engager la philosophie jusqu'au cou, c'est un travail bien désengagé. En vérité, ce n'est pas cela. C'est ce que je voudrais vous dire. J'ai, bien sûr, été à la fois attiré et en même temps repoussé par le personnage de Flaubert, tel qu'il se présente, par exemple, dans ses lettres. Vous savez que c'est un homme qui est précisément le plus radical désengagé qui se trouve dans la littérature française. Il estimait que l'art seul comptait et que seuls les travaux artistiques avaient quelque mérite ou quelque valeur. En plus, il n'a pas craint de parler parfois dans ses œuvres des ignobles ouvriers. Il n'a pas craint d'approuver, en gros, bien qu'il y ait eu des sarcasmes contre lui, la dictature de Napoléon III, et au contraire, de s'affoler au temps où la Commune était née en fait d'un raidissement national contre les Allemands. Cependant, ce personnage donc à la fois fascinant pour moi parce qu'il était le contraire de tout ce que je pensais et un peu antipathique aussi parce que précisément il avait poussé les choses jusqu'à un point trop radical, ce personnage, j'avais envie d'en parler. La compagnie des auteurs sur France Culture. C'est vrai, Gisèle, c'est gingé qu'on se demande un petit peu pourquoi Sartre est allé s'intéresser comme ça à Flaubert. En passant, vous avez une hypothèse, vous ? Alors, les Flaubertiens disent volontiers que l'idiot de la famille nous apprend davantage de choses, évidemment, sur Sartre que sur Flaubert. Mais à l'époque où Sartre écrit, de toute façon, Flaubert est un peu l'écrivain incontournable par rapport auquel tout le monde voulait se positionner. Alors, ce qu'il dit quand même, c'est que il était très réactionnaire, et c'est vrai que Flaubert avait écrit à George Sand, sa grande amie, en octobre 71, qu'on aurait dû condamner aux galères toute la Commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou, comme de simples forçats. Il détestait aussi tout ce qui menaçait la propriété. Donc c'est évidemment pas un homme de gauche, mais ça veut pas dire pourtant qu'il faille caricaturer Flaubert. Voilà. Exactement. Flaubert est vraiment toujours en mouvement. Et on connaît moins le Flaubert républicain des dernières années, des années 1870-1880. Républicain dans sa jeunesse, conservateur sous l'Empire, Flaubert redevient républicain après la guerre de 1870. Parce qu'il estime à ce moment-là que la République est le seul régime qui peut assurer une stabilité et une paix à la France à ce moment-là. Mais néanmoins, en effet, il a déclaré un certain nombre, il a eu quelques propos très durs, comme vous venez de l'indiquer, à l'égard de la Commune. Oui. Alors l'histoire, elle est quand même très présente dans l'éducation sentimentale, mais c'est une histoire qui n'est pas frontalement racontée, comme si le rapport à l'histoire de Flaubert, c'était pas la succession des faits. Qu'est-ce qu'il essaie de montrer ? Qu'est-ce qui l'intéresse, Gisèle Sesinger, dans cet arrière-plan historique, qui est même plus qu'un arrière-plan, et qui constitue l'éducation sentimentale. Oui, en effet, ce qui est frappant dans ce roman, c'est que les grands événements politiques ne sont pas au premier plan, ou très rarement au premier plan. Il y a bien la proclamation de la République, mais elle est décrite dans la nuit, à la lueur des flambeaux. On ne voit presque rien, on ne sait pas bien qui proclame cette République. Ce que l'on voit des événements, ce qui est mis au premier plan, c'est le sac des Tuileries, c'est le peuple qui est immature politiquement. Donc précisément la citation que j'avais donnée par rapport à Sand, c'est cette idée-là qui revient. Tout à fait. Flaubert montre souvent qu'il ne croit pas à cette époque-là que le peuple puisse, par une révolution, apporter une quelconque amélioration politique. De toute façon, Flaubert est toujours plutôt éventuellement réformiste, mais il dénigre les mouvements révolutionnaires. Mais d'un point de vue purement littéraire, comment raconte-t-il l'histoire ? Alors, d'un point de vue littéraire, il va mettre au premier plan les personnages du roman et des personnages souvent anonymes qui ne font que passer, mais qui sont importants parce qu'ils rendent compte de l'opinion de cette époque et en fait des divergences d'opinion, des cacophonie, si je puis dire, c'est ce qui l'intéresse. C'est la multiplication des idées divergentes, c'est l'expansion des bêtises politiques, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui. Et je dirais que Flaubert, et c'est ce qui explique la forme très curieuse de ce roman, il s'intéresse à ce moment-là dans l'éducation sentimentale davantage aux opinions, aux représentations divergentes, à la cacophonie, qu'aux événements eux-mêmes. Et de manière générale, on est frappé par les romans de Flaubert, où il est beaucoup question d'idées, idées reçues, d'opinions, de représentations. Et je crois que c'est un point majeur du roman flaubertien, ce qui le distingue peut-être le plus du roman balzacien. Flaubert crée le roman des représentations. Et alors, par exemple, il y a ce personnage de Regimbard, qui est un personnage secondaire, mais vous lui consacrez une entrée dans le dictionnaire Flaubert, personnage secondaire de l'éducation sentimentale. Alors lui, c'est exactement ce que vous dites à l'instant, me semble-t-il, c'est-à-dire que c'est un personnage qui critique tout, mais qui en même temps n'a pas véritablement d'opinion, et on s'intéresse à ce qu'il pense des événements. Oui, c'est un personnage qui est difficile à situer. Il y a quand même un point qu'on peut remarquer, c'est un nationaliste. Mais pour le reste, il critique en effet tout. C'est un personnage qui n'a pratiquement pas de psychologie. C'est une sorte d'instance critique dans le roman. Et donc là, on voit bien le projet flaubertien qui est de faire entendre toutes ces opinions, qu'elles soient ou non informées ou intéressantes. C'est ça le sujet, finalement. Je crois qu'en effet, c'est le sujet de l'éducation sentimentale. Faire entendre une multiplicité d'opinions sans prendre parti. L'écrivain doit absolument être impersonnel. C'est un principe esthétique que Flaubert formule de plus en plus fermement depuis le milieu des années 1840 et puis surtout à l'époque où il écrit Madame Bovary. Il le rappelle à George Sand en particulier au moment où il écrit L'éducation sentimentale. Il lui explique qu'il ne privilégiera aucun des deux partis, ni les républicains, ni les conservateurs. Alors remontons encore dans l'histoire jusqu'à l'Antiquité, Gisèle Séjingère, avec cet extrait de Salammbô. La houle des soldats se poussait. Ils n'avaient plus peur. Ils recommençaient à boire. Les parfums qui leur coulaient du front mouillaient de gouttes larges leurs tuniques en lambeaux. Et s'appuyant des deux poings sur les tables qui leur semblaient osciller comme des navires, ils promenaient alentour leurs gros yeux ivres pour dévorer par la vue ce qu'ils ne pouvaient prendre. D'autres, marchant tout au milieu des plats sur les nappes de pourpre, cassaient à coups de pied les escabeaux d'ivoire et les fioles tyriennes en verre. Les chansons se mêlaient aux râles des esclaves agonisant parmi les coupes brisées. Ils demandaient du vin, des viandes, de l'or. Ils criaient pour avoir des femmes. Ils déliraient en sans langage. L'incendie, de l'un à l'autre, gagnait tous les arbres, et les hautes masses de verdure, d'où s'échappaient de longues spirales blanches, semblaient des volcans qui commencent à fumer. La clameur redoublait, les lions blessés rugissaient dans l'ombre. Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du milieu s'ouvrit, et une femme, la fille d'Amilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse au haut de l'escalier des galères. Immobile et la tête basse, elle regardait les soldats. Personne encore ne la connaissait. On savait seulement qu'elle vivait retirée dans des pratiques pieuses. Des soldats l'avaient aperçue la nuit sur le haut de son palais, à genoux devant les étoiles, entre les tourbillons des cassolettes allumées. C'était la lune qui l'avait rendue si pâle, et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile. Ses prunelles semblaient regarder tout au loin, au-delà des espaces terrestres. Elle marchait en inclinant la tête, et tenait à sa main droite une petite lyre d'ébène. Il l'entendait murmurer. Morts, tous morts. Vous ne viendrez plus, obéissant à ma voix, quand, assise sur le bord du lac, je vous jetais dans la gueule des pépins de pastèque. Le mystère de Tanit roulait au fond de vos yeux, plus limpide que les globules des fleuves. La compagnie des auteurs avec cet extrait donc de Salammbô lu par Georges Claes. On parle d'histoire depuis le début de cette émission sur Flaubert, mais le grand roman historique, sans doute bien davantage que l'éducation sentimentale, c'est celui-ci, Salammbô, Gisèle Séjingère. En tous les cas, c'est un roman où l'histoire a une place sans doute plus directe que dans l'éducation sentimentale. Oui, c'est l'histoire d'une révolte des mercenaires contre Carthage qui les employait. Mais dans l'histoire des guerres puniques, c'est un épisode relativement marginal que Flaubert choisit. Ça, c'est une coquetterie. Il n'a pas voulu raconter ce que tout le monde savait, la guerre avec Rome. Il a préféré chercher un petit sujet. C'est une révolte pour rien, qui n'aboutit à rien et qui ne montre que la brutalité des violences. Il n'y a pas de progrès dans l'histoire et c'est ce que Flaubert finalement met en évidence dans son récit. Et de surcroît, la violence est dans les deux camps. Il n'y a pas des civilisés d'un côté qui seraient les Carthaginois et des barbares de l'autre qui seraient violents. Non, la violence circule dans les deux camps. Ouais. C'est un roman, évidemment, qui lui a été inspiré par son voyage en Orient. Son voyage en Orient l'a beaucoup marqué sur le plan esthétique, mais je crois que ce qui l'a encore marqué davantage, c'est probablement la lecture de l'histoire romaine de Michelet dans ses années de jeunesse, années de collège. Et il est question de cette révolte des mercenaires justement dans le texte de Michelet. Alors Flaubert va lire aussi Polybe, qui raconte cette même révolte. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de voir qu'il choisit un événement marginal qui ne permet pas de rationaliser l'histoire. Alors que Michelet, dans son histoire romaine, avait souligné le sens du conflit entre Carthage et Rome plutôt, le progrès étant du côté de Rome, du point de vue de Michelet, du côté du droit, dont ensuite la France sera l'héritière. Alors pourquoi est-ce si important ? Le flambeau du progrès. Qu'est-ce que ça signifie pour Flaubert ? Alors Flaubert a toujours beaucoup critiqué l'idée de progrès. Il ne croit pas du tout au progrès. Il a une vision naturaliste, je dirais, de l'histoire. Les civilisations naissent, elles meurent, et ainsi de suite, infiniment. Il le rappelle au moment de la guerre de 70. Il explique « les Latins sont finis, vient maintenant le temps des Saxons, et puis plus tard ce sera le temps des Slaves, et ainsi de suite. » Et il n'y a pas du tout de progrès dans cette succession des races ou des civilisations. Mais est-ce que l'histoire, pour Flaubert, ça n'est pas, comme le reste de son œuvre, un sentiment esthétique ? Est-ce que ça n'est pas d'abord ça ? Flaubert est fasciné par l'histoire parce qu'il y découvre l'infini. L'histoire n'aura pas de fin. On ne peut jamais dire le dernier mot. On ne peut pas dire dans quel sens va l'histoire, vers où va le progrès. Et c'est, je crois, la découverte de l'infini dans l'histoire dès ses années de jeunesse qui va rester très très marquant dans la suite de sa vie. Il y a un côté vertigineux finalement dans son rapport à l'art en général et dans la manière dont il prend l'histoire comme, en effet, une forme d'esthétique infinie. Oui, il éprouve un véritable vertige devant l'histoire, devant l'infini de l'histoire. Et il voudrait finalement que ses romans, que ses œuvres produisent le même effet d'infini et que le lecteur éprouve le même vertige devant l'ambiguïté des significations. Et il a toujours beaucoup insisté sur ce point-là. Un roman ne doit pas énoncer une vérité. Le romancier ne doit pas conclure, il faut que le lecteur puisse rêver. L'objectif d'une œuvre d'art est de faire rêver infiniment le lecteur. Alors on va continuer à parler avec vous de Flaubert, Gisèle Séjinger, pardon. Mais nous voilà à la moitié de cette émission, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, aujourd'hui en compagnie de L'Express, et c'est avec vous Jérôme Dupuis, grand reporter au service livre de cet hebdomadaire. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous venez nous parler d'Hugo Pratt, à qui une exposition est consacrée au musée des Confluences de Lyon à partir du 7 avril prochain. On est là dans un univers qui paraît assez éloigné de celui de Flaubert, non? Oui, à première vue, encore qu'on vient de parler de Salammbô. Et si on y réfléchit bien, dans Salammbô, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on va retrouver dans les bandes dessinées d'Hugo Pratt 20 ou 23 siècles plus tard. Des guerres africaines entre grands empires, une femme mystérieuse, des mercenaires, des personnages un peu ambigus qui passent d'un camp à l'autre. Et puis le désert qui fascinait Flaubert. Dans le dictionnaire de Gisèle Séjinger, il y a d'ailleurs une entrée très longue et très intéressante sur le mot « désert ». Ah, vous avez fait vos devoirs. Oui, dont il disait d'ailleurs dans son dictionnaire des idées reçues qu'il produisait des dates. Mmh. Donc effectivement, il y a un certain nombre de thèmes qui pourraient être proches d'Hugo Pratt, même s'il faut bien le dire, son inspiration, Hugo Pratt, il l'a surtout puisé auprès des grands romanciers d'aventure anglo-saxons que tous les jeunes enfants comme lui lisaient avant-guerre. C'est-à-dire en premier lieu Stevenson, évidemment. L'île au trésor l'a marqué à tout jamais. Le sujet des îles, la recherche des trésors, les parchemins, les îles du sud dans lesquelles Corto Maltese va beaucoup voguer. Et puis aussi beaucoup, on le sait peut-être un peu moins, mais James Oliver Curwood ou Fenimore Cooper. Hugo Pratt était un grand spécialiste des guerres indiennes du XVIIIe siècle. Vraiment un grand spécialiste. Il avait une immense bibliothèque consacrée à ce sujet. Il allait même faire des tournées de conférences au Canada sur ces sujets. Donc il s'intéressait évidemment à la littérature, mais aussi à la poésie. Oui, c'est un peu une des surprises qu'ont dû avoir les jeunes lecteurs de PIF, l'hebdomadaire proche du Parti communiste français dans lequel Corto Maltese était publié au début des années 70, puisque une des aventures de Corto Maltese s'ouvre sur une planche entière par des vers du bateau ivre de Rimbaud. C'est un officier britannique qui les lit, et d'ailleurs, il s'attire une petite réplique un peu ironique de Corto Maltese qui lui dit « Mais moi qui croyais que les officiers britanniques n'aimaient que Kipling. » Donc là, on retrouve un peu toute la dimension un peu ironique de Pratt. Il adorait Rimbaud, évidemment, puisqu'il a lui-même vécu, Hugo Pratt, sa jeunesse en Abyssinie. Il a même dit qu'il avait rencontré un prêtre qui aurait connu Rimbaud dans ses années éthiopiennes. On peut en douter, mais bon... Après tout, c'est peut-être possible. Et puis, il cite aussi beaucoup de poètes anglo-saxons, là encore, Coleridge, Yeats, et Kipling, qu'il a d'ailleurs illustré. Mmh. Est-ce que lui-même fréquentait beaucoup d'écrivains? Alors, il avait tendance un peu à embellir la vérité, Hugo Pratt. Il a dit qu'il avait rencontré Henri de Montfred avant-guerre, sur la mer Rouge. Il a dit qu'il était tombé par hasard un jour sur John Dos Passos, en plein milieu de la jungle brésilienne. Bon, ses biographes en doutent un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est le côté un peu borgésien de Pratt, qui a beaucoup vécu en Argentine, c'est qu'il aime mêler les personnages fictifs et les personnages réels. Et donc son héros romantique, Corto Maltese, va croiser Jack London en 1904-1905 sur le front de la guerre russo-japonaise. Ils vont dialoguer, bon, on voit bien qu'ils sont pas tout à fait sur les mêmes idées. Jack London est sans doute plus socialiste, plus idéologue que Corto Maltese, qui est une sorte un peu de marin anarchiste. Et puis il va aussi faire une autre rencontre, Pratt étant vénitien, dans un autre album, Corto Maltese rencontre Gabriele D'Annunzio, l'homme de lettres italien, qui a tout pour plaire à Pratt, avec ce côté dandy, ces chapeaux qui graphiquement, évidemment, lui permettent de s'exprimer. Et puis c'est là encore un personnage ambigu, à la fois poète, mais un peu mussolinien. Donc effectivement, c'est un vrai personnage prattien. Alors voilà pour cette expo Hugo Pratt. Un petit mot peut-être sur un autre sujet. Je crois que la rédaction de L'Express a été très divisée sur le dernier roman de Le Clésio, Bitna sous le ciel de Séoul. Pour quelle raison? En fait, les avis étaient tellement divergents au sein de notre rédaction qu'on a décidé de peut-être lâchement, mais de faire un pour-contre, comme on fait dans ces cas-là, pour que d'un côté, Marianne Payot, qui a beaucoup aimé ce roman, qui donc se passe à Séoul et qui met en scène une jeune paysanne pauvre qui lit des contes à une vieille dame qui est en train de mourir, a pu exprimer toute la beauté qu'elle avait trouvée dans ce texte. Et puis effectivement, pour ma part, j'étais un peu moins enthousiaste. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être un peu tendance à trop attendre d'un prix Nobel de littérature et à toujours vouloir le juger un peu à l'aune de ce prix très prestigieux. Mais il est vrai qu'il y a un côté un peu misérabiliste, selon moi, dans ce roman, avec des paysannes méritantes, des vieux concierges, poètes, etc. Il y a un petit côté, j'ai trouvé, alors c'est une autre prix Nobel aussi, mais il y a un petit côté Pearl Buck, cette romancière que nos grands-mères adoraient. Et puis, il y a une série de contes qui sont intercalés et qui sont un petit peu mièvres. On a un peu l'impression de regarder des esquisses, des dessins japonais ou chinois un peu niais, à vrai dire. Les auditeurs auront sans doute envie de lire ce livre qui manque de faire exploser la rédaction de L'Express Livre. Merci beaucoup, Jérôme Dupuis. Vous êtes donc le premier des journalistes de L'Express à venir nous voir. Il y en aura d'autres et en attendant, je donne rendez-vous aux auditeurs dans les pages culture de votre magazine actuellement en kiosque. À bientôt. Et nous, on continue à parler de Flaubert avec Gisèle Séjinger et en compagnie, en archive, de Pierre Bergougnoux. Mais à compter de l'instant où il passe, où il consacre, consume 5 années de sa vie à mettre au point ce roman qui s'intitule Madame Bovary, la bourgeoisie l'empoigne par le collet et le traîne devant les tribunaux pour qu'il y réponde de l'atteinte extraordinairement grave qu'il a portée aux yeux de la bourgeoisie et de la justice bourgeoise aux bonnes mœurs et à la morale. Et sous ce rapport, je pense que c'est juste, les bourgeois ne s'y trompent pas. Il y a 1000 critères pour juger de la beauté, de la bonté, de la vérité d'une œuvre littéraire. Ces critères sont historiquement changeants, puisque nous sommes nous-mêmes des créatures de part en part historique. Mais je pense qu'à un moment donné, les sanctions pénales constituent la pierre de touche la plus exacte qui se puisse concevoir de ce qu'un livre vaut. Et je me dis rétrospectivement, les bourgeois ne s'y sont pas trompés lorsqu'ils ont successivement désigné Baudelaire et Flaubert comme deux iconoclastes. À la limite, les meilleurs critiques de l'époque, c'est pas ni Barbey d'Aurevilly, ni d'autres qui avaient consacré des articles de journaux à Gustave Flaubert. Non. À mes yeux, les meilleures critiques des années 1850-1860, c'est les procureurs impériaux. J'avais envie de vous faire réagir, Gisèle Séjinger, sur cette idée de Pierre Bergougnoux, que finalement, c'est les bourgeois et les magistrats du 19e qui ont le mieux compris Flaubert, ou en tout cas, qui ont compris le danger que représentait Flaubert, qui faisait exploser les cadres d'une certaine bienséance quand même. Oui, alors ils ont compris certains aspects du roman. Ce que dit Pierre Bergougnoux est en effet tout à fait exact. Il y a des attaques contre la bourgeoisie, contre la petite bourgeoisie essentiellement, hein, qui est la bourgeoisie de Yonville, de Toth. C'est vrai. Mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. Flaubert écrit beaucoup de lettres tout en élaborant son roman et on voit qu'il était préoccupé justement de poésie, faire de la poésie avec la médiocrité du réel, et il insiste beaucoup sur ce qui est l'objectif majeur de son roman. Ce n'est pas du tout de faire avant tout un roman critique de la bourgeoisie, même s'il est incontestable que cette critique est importante dans ce roman. D'ailleurs, dites bien que c'est finalement les réflexions esthétiques qui prennent le plus de place dans les romans de Flaubert. Oui, alors il dira en 56 qu'il a voulu écrire ce roman en haine du réalisme. En haine donc à la fois de l'école réaliste qui était en train de se constituer et qui mettait au premier plan le réel, la description, la compréhension du réel. L'objectif de Flaubert n'est pas avant tout de comprendre le réel et de le décrire précisément, même si la précision est pour lui importante. Mmh. On sait bien qu'il enquête sur le terrain s'il le faut. Mais il insiste beaucoup sur l'écriture qui doit sublimer le réel, et il estimait qu'il faisait un pari très audacieux avec ce roman, qui était justement de métamorphoser la réalité la plus laide et la plus banale par l'écriture en prose poétique. Parce que la réalité justement est trop banale, c'est la banalité le sujet justement de ce livre. Alors, le sujet de ce livre, c'est la banalité, et c'est un personnage qui ne supporte pas la banalité, tout en étant elle-même assujettie à cette banalité. Et ses rêves sont en partie colonisés par la banalité et même par les idées reçues. Et je crois que c'est ça le tour de force de Flaubert, c'est de représenter un personnage qui est victime des idées reçues, qui a un certain nombre de rêves idéalistes, mais qui se construisent avec les idées reçues d'un mauvais romantisme, donc avec toute une série de banalités, et qui en même temps se révolte contre la banalité dans laquelle elle vit, et qui se révolte contre cette banalité jusqu'à en mourir. Madame Bovary est encore une héroïne, malgré tout. En face du banal, de la figure de la bourgeoisie de province, il y a la figure de l'artiste. Et c'est évidemment de ce côté-là que Flaubert se place. C'est quoi être un artiste pour Flaubert ? C'est être un martyr d'une certaine manière, puisqu'il faut se mettre en marge d'une certaine façon de la société. Il faut tout donner à son art. Être un artiste, c'est vivre en partie en retrait par rapport à la société, être en mesure du moins de se créer une position en retrait. Flaubert écrivait à Croisset et il ne voulait pas faire une carrière dans les lettres. Et il explique à Maxime Ducamp, il explique très bien à Maxime Ducamp qui voudrait l'entraîner à Paris en 1851 pour faire carrière, ce qu'est être un artiste. C'est essayer de ne pas adhérer aux ambitions et au désir des bourgeois, justement. Même si vouloir lui faire carrière, vouloir avoir une position sociale. Flaubert n'a jamais voulu gagner de l'argent, par exemple, ni une position quelconque en publiant des romans. Ce qui ne l'empêchait pas, par ailleurs, il ne faut pas non plus imaginer qu'il vivait toujours en retrait par rapport à la société. À Paris, il fréquentait beaucoup de monde. Surtout à partir du moment où il a publié Madame Bovary, il est connu, et encore plus après avoir publié Salammbô, il est très connu. Il va fréquenter tous les salons les plus en vue, les salons du Second Empire, puis les salons républicains. Il sera vraiment au cœur de la société. Il va rencontrer des hommes politiques tout au long de sa vie. Il va rencontrer des écrivains, des philosophes, des peintres. Et il va vivre aussi au cœur de la société. Mais tout en gardant une certaine distance et en retournant à Croisset, pour écrire ses romans sans souci de ce que peut en penser, disait-il, le public. Et oui, car le véritable artiste doit posséder des qualités stoïciennes. C'est ce qu'il écrivait en tous les cas à Maupassant dans une lettre de 1878. Maintenant parlons de vous. Vous vous plaignez du cul des femmes qui est monotone. Il y a un remède bien simple, c'est de ne pas vous en servir. Les événements ne sont pas variés. Cela est une plainte réaliste. Et d'ailleurs, qu'en savez-vous ? Il s'agit de les regarder de plus près. Avez-vous jamais cru à l'existence des choses ? Est-ce que tout n'est pas une illusion ? Il n'y a de vrai que les rapports, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les objets. Les vices sont mesquins, mais tout est mesquin. Il n'y a pas assez de tournure de phrase. Cherchez, et vous trouverez. Enfin, mon cher ami, vous m'avez l'air bien embêté et votre ennui m'afflige, car vous pourriez employer plus agréablement votre temps. Il faut, entendez-vous, jeune homme, Il faut travailler plus que ça. J'arrive à vous soupçonner d'être légèrement calleux. Trop de putains, trop de canotage, trop d'exercices. Oui, monsieur, le civilisé n'a pas besoin de tant de locomotion que prétendent messieurs les médecins. Vous êtes né pour faire des vers, faites-en. Tout le reste est vain. À commencer par vos plaisirs et votre santé. Foutez-vous cela dans la boule. D'ailleurs, votre santé se trouvera bien de suivre votre vocation. Cette remarque est d'une philosophie, ou plutôt d'une hygiène profonde. Vous vivez dans un enfer de merde, je le sais, et je vous en plains du fond de mon cœur, mais de 5h du soir à 10h du matin, tout votre temps doit être consacré à la muse, laquelle est encore la meilleure garce. Voyons, mon cher bonhomme, relevez le nez. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors l'artiste, selon Flaubert, doit mener une vie rangée, mais pas une vie immorale. Il faut faire la différence entre les deux, parce que la morale, ça, c'est pas quelque chose qu'il aime tellement, Flaubert. Alors Flaubert a une vie à deux temps. Il vit à Croisset et il vit aussi à Paris et il profite très largement des plaisirs. Il fréquente les artistes, il fréquente les actrices aussi, il fréquente également les demi-mondaines. S'il fait la leçon à Maupassant, c'est qu'il estime que Maupassant va un petit peu trop loin et ne garde pas suffisamment de temps pour le travail que doit s'imposer l'artiste. Flaubert disait « il faut vivre en bourgeois ». Et il faut penser en demi-dieu. Et pour penser en demi-dieu, il faut prendre un peu de distance par rapport au monde. Il faut se retirer, il faut écrire, il faut travailler. Sinon, on ne parvient pas à penser en demi-dieu. Et puis, il faut lire aussi beaucoup. Vous consacrez une entrée de votre dictionnaire au terme d'érudition. Alors ça, c'est évidemment très intéressant parce que la question de l'érudition, elle irrigue complètement l'œuvre de Flaubert et en particulier dans Bouvard et Pécuchet. Quel rapport avec la connaissance au sens brut avait Flaubert ? Flaubert a toujours pris beaucoup de notes sur les livres qu'il lisait dès ses années de jeunesse, ou vers la fin des années de jeunesse, du moins. Il prend ensuite beaucoup de notes au moment où il écrit ses œuvres, à partir de la Tentation de Saint-Antoine qu'il prépare dans les années 1846-1849. Il commence à faire à ce moment-là beaucoup de lectures sur l'histoire des religions, puisque la Tentation de Saint-Antoine présente une nuit d'hallucination du saint qui voit apparaître toutes les religions de l'Antiquité. L'érudition était indispensable. Flaubert cherche une certaine exactitude, même s'il dit aussi par ailleurs que l'exactitude n'est pas son objectif premier. C'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure. Alors, il n'est pas réaliste. Et dans le même temps, il cherche l'exactitude. Alors, elle sert à quoi son exactitude à lui ? L'exactitude, soit lorsqu'il enquête sur le terrain ou lorsqu'il se livre à de grandes campagnes de lecture, lui procure un certain nombre d'images qui l'aident à se représenter la situation qu'il veut ensuite raconter. C'est un point vraiment important. Donc Flaubert, on n'est pas dans l'imagination pure ? On est dans l'imagination, mais cette imagination a besoin malgré tout du réel et des livres qui la stimule. Et Flaubert dit souvent, avant de commencer à rédiger ses romans, lorsqu'il en est à l'étape de la préparation des scénarios, des plans, il rédige beaucoup de plans avant de commencer à rédiger, avant de commencer à écrire ses romans, et il dit à ce moment-là qu'il a besoin de voir. Et souvent, il se plaint parce qu'il ne voit pas suffisamment précisément ce qu'il veut raconter. Et c'est pour cette raison-là qu'il continue à lire et à lire encore jusqu'au moment où il peut se représenter déjà pour lui-même les personnages tels qu'il veut les décrire, les situations, etc. Et au moment où il voit, alors il peut commencer véritablement à écrire pour faire voir au lecteur. Mais par exemple pour Salammbô, lire Salammbô, c'est avoir une idée de ce qui se passait à cette époque-là, dans cette région-là, réellement ? Dans Salambo, il reconstruit une Carthage telle qu'elle n'a jamais existé. Il le savait. L'archéologie punique à l'époque n'était pas encore très développée. Donc on avait pas mal de connaissances déjà sur la religion. Il existait des ouvrages, mais par contre, sur l'architecture, sur les mœurs, etc., on n'avait pas encore beaucoup, finalement, de précision. Donc Flaubert a inventé une Carthage qui n'a jamais existé sous cette forme-là, en faisant diverses lectures sur l'Antiquité égyptienne, grecque, etc. Et la Carthage de Flaubert est un montage d'éléments érudits de provenance diverses. C'est une Carthage fabuleuse. Ouais. Et alors l'érudition telle que envisagée par les personnages de Bouvard et Pécuchet, qui est une érudition qui paraît un peu bête, savoir beaucoup, mais évidemment ne comprendre pas grand-chose. Comment se positionne-t-il par rapport à ça, Flaubert ? Ces personnages croient la vérité et chaque fois qu'ils abordent une science, ils voudraient trouver l'ouvrage qui va leur donner des vérités sur la chimie, sur l'agriculture, des éléments qui vont ensuite leur permettre à eux d'intervenir sur le réel. Et voilà pourquoi ils font aussi, après avoir lu, beaucoup d'expériences qui la plupart du temps ratent. Oui. Quelques-unes réussissent un peu par hasard. Oui. Donc ils ont un très mauvais rapport à l'érudition et aux livres auxquels ils demandent souvent la vérité avec un grand V, encore plus lorsqu'ils abordent la philosophie. Or, Flaubert ne croit pas à la vérité avec un grand V. Comme je disais tout à l'heure, il croit à l'infini de l'histoire, l'infini de l'histoire des représentations. Et voilà pourquoi il met au premier plan toutes sortes de représentations, et en particulier dans Bouvard et Pécuchet, qu'il a qualifié de testament. C'est son testament, c'est un livre sur les représentations multiples dans des disciplines diverses. Et là aussi, il s'ingénie à représenter des positions divergentes. Mmh. Et évidemment, les deux personnages s'y retrouvent généralement très, très mal parce qu'ils posent la mauvaise question à la science. Alors, Flaubert avait lui-même une très grande bibliothèque, preuve de sa très grande érudition. Je crois qu'elle a même été reconstituée, cette bibliothèque, au centre Flaubert de Rouen, c'est cela ? Alors, les livres de Flaubert, qui ont été, il les a légués à sa nièce Caroline, et ils ont été, ces livres ont été transmis ensuite au légataire de Caroline, et finalement, ils se trouvent maintenant, peut-être pas tous, on pense que certains ont peut-être été perdus. Inversement, Caroline a fait des achats de livres également. Mais malgré tout, on peut avoir accès à une bibliothèque de Flaubert à la mairie de Canteleux. Ouais. Bon. Par ailleurs, sur le site Flaubert de l'Université de Rouen, un travail a été fait pour identifier d'autres livres qui ne se trouvent pas dans cette bibliothèque que Flaubert a lu, l'objectif étant progressivement, grâce aux travaux des chercheurs, de reconstituer la bibliothèque réelle de Flaubert et puis aussi tout ce qu'il a lu par ailleurs. Qu'est-ce que ça dit de ses goûts en littérature alors ? Je crois qu'il aimait beaucoup Don Quichotte. Alors, il aimait beaucoup Don Quichotte, c'est un roman donc, qu'il a vraiment marqué dans sa jeunesse, et il pense à Don Quichotte en écrivant Madame Bovary, qui est une sorte de Don Quichotte au féminin, Don Quichotte moderne, à sa manière. Donc c'est ça, le genre préféré de Flaubert, c'est à la fois le comique, le grotesque, et puis le côté un peu épique, Odyssée. Alors Flaubert aime beaucoup les épopées. Il cite en effet très fréquemment Homère. Il aime beaucoup Rabelais. Il aime beaucoup le théâtre de Shakespeare. Donc les classiques alors. Il a beaucoup aimé les romantiques dans sa jeunesse et il va continuer à admirer Hugo, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à la fin de sa vie. Et en particulier, il lit La Légende des siècles de Hugo pendant qu'il rédige Salambo et il est littéralement foudroyé, il en a des éblouissements. Il admire énormément cette œuvre. Il aime beaucoup moins Les Misérables de Victor Hugo, qui est un roman à son sens socialiste et un petit peu trop larmoyant, avec beaucoup trop de sentiments. Merci beaucoup Gisèle Séjinger. Je rappelle que vous êtes professeure de littérature à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et que vous avez rédigé le dictionnaire Flaubert, dirigé et en partie rédigé, paru en 2017 chez Honoré Champion. Vous avez enfin préfacé une nouvelle édition de Madame Bovary, parue le mois dernier chez Garnier Flammarion. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'œuvre de Flaubert. Ce sera avec Pierre Glaude. Il nous parlera plus particulièrement de l'éducation sentimentale. Mais tout de suite, et comme chaque jour, vous retrouvez Jacques Bonafé et ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Dominique Kellen nous a cueillis hier avec son revers paru chez Flammarion. Ce n'était pas des pattes de mouche ni de palmipèdes, ces vers serrés en interjection sur le fil du poème. Sur chaque page, deux strophes de 11 ou 12 lignes, une voix est possible. Écoutons Dominique Kellen, revers. Pas impossible d'observer des oiseaux tomber dans un poème. La tempête, la neige, l'ennui, sinon pire, de l'indifférence envers tout et de gros os aux traits aplatis lancés à terre pour rien. Ils n'osent plus y arriver, non jamais, et pas qu'un peu. Ont à moitié parmi leur beauté un départ moisi à demi, au départ que toute leur beauté vient à moisir ici, qui y aille jamais mieux arriver, à peu près, n'étant que pour s'être lancé, un fort trait étant fixé de là-haut, envers et en droit, l'un étant sinon sous la neige, l'autre sur la rive puis dans l'eau. Oiseau abîmé hors d'un lac ou pas. Un Eugène passe, je vous avais prévenu, de son vol de hibou se pose avec ses silences. Eugène Guivic. Eugène Guivic, une poésie qui dénonçait autrefois en 1952, Ubu médite, cédant ouvrir paru chez Gallimard. Cet Ubu qui médite, c'est le nom d'un vendeur d'armes ou l'État français? Faut-il croire à la guerre ou n'y faut-il pas croire? Faut-il croire à la guerre pour sauver nos affaires? Mais pour faire la guerre, il nous faut des soldats. Et qui sera soldat? Ce n'est pas toi ni moi. Ce n'est pas toi ni lui, car il en faut beaucoup. Et moi, lui plus les autres, ça ne fait pas des chiffres. Et puis, ni moi, ni toi, et les autres non plus, on n'est pas pour se battre, on est pour commander. Donc, pour faire la guerre, il faut donner des armes à ceux qu'on vient abattre. Ou bien, si je délire, j'y suis. Il faut choisir ceux qui seront tueurs. Ceux qui seront tués, on paiera qui tuera. On les paiera d'abord en leur laissant la vie. Si ça ne suffit pas, on les tuera aussi. Pourtant, si les tueurs faisaient meilleur ménage avec ceux à tuer qu'avec moi, toi ou nous, j'ai peur que les tueurs, avec ceux à tuer, ne partagent les armes qu'on leur pourrait donner et que ces armes-là ne soient tournées vers nous, qui serions les tués à la fin dans l'histoire. Je ne sais donc toujours s'il faut croire à la guerre ou s'il n'y faut pas croire pour sauver nos affaires. Un jour, j'ai un cliquetis drôle dans le haut de la tête, mais la machine va bien et alors ça va passer ou se dissiper. Je dérègle un truc et je tombe, je provoque ça, je l'arrache à une insomnie longue et douloureuse. Le jour fait un bruit de pas où des gens et des oiseaux iraient et viendraient. Autre soupçon d'amour. Autre fête. Corps et tête d'oiseau empaillés à des lieux du bruit rigolo. Fais-le dans le rêve et dans l'insomnie ensemble. On l'a, il provoque. Et puis vous et nous, on dérègle à fond et on se meurt. C'est ça et quoi? Ça et la dure machine de la tête. La vie passée dans des cliquetis. Pluriel de un. Merci à vous, Jacques Bonafé. Vous nous lisiez aujourd'hui des textes de Dominique Kellen et Eugène Guilvic.